I'm I'm going to go to the hospital.

adam bay fi ci ñëréem amna yaakaara nak bi mo sunu kasset mo ci ngand gi nang noko def ci ñëréem le 10 décembre 2011 më ngën nga na la sun sëriñ ci sëñu fa daay goor yalla ko yaga and ak mom tu vas que son serait c'est bien de la femme. Mon autre truc à la son arme bye. Thank you.